On sert pas à rien comme des briquets vides. On veut des briquets vite. T'entends des cris, des rires. Normal, les gosses ont pris des rides et pris des risques. Mande à l'équipe, on a les idées fixes. Ça tisse des litres autour d'une prod, on se fidélise des langues d'élite. Pour lâcher ces quelques verres de rage, mange chat comme une paire de baffes. Ferme-la, écoute cette perle rare. On avance vers l'orage. On devient quoi si on perd le rap? Que d'âge taf la goutte sur mon front, perle rare. On est là et sans déverser. Dur, j'en fais des versets, je déverse. Rime à flot et toi tu bois ces versets. Des frères saignent, comment canaliser la rage? Le blanc redoute le noir, il a colonisé la rap. On mène des vitrages, je avance avec des envitrages. Mais au premier grand virage, la rage casse ton double vitrage. Qu'est-ce qu'il y a? La confrérie, microclimat. On secoue l'audimat, donc rangez vite vos limas. Par moment, je me sens très concerné. Là, je suis vert de rage. Ça va, si le compte juge parce que t'es noir, jaune, beurre ou vert de rage. Soit disant, t'es bien payé. Soit disant, t'es bien logé. Dans 10 ans, qu'est-ce qu'on en sait? Dis en t'as le qu'on compensait. Ton lave-linge et ta télé durent moins longtemps depuis l'obsolescence. Les voyages sont écourtés et subissent la hausse de l'essence. Aucune âme pour répliquer. Change de fagnon, t'es fliqué. Tu peux finir dépité. Le shérif sera détitré. Les habitudes changent, mais bon, si je peux me permettre, je conjugue plus le verbe être au présent. Je suis fier d'être. Je déverse, déverse. C'est l'inverse, c'est l'orage. Je converse ou l'inverse. Peu importe, j'ai le moral. Sous Big B, c'est ton as. S'il faut toujours s'expliquer, faut que je fais ski. Mais c'est comme si frotter sans se piquer. Toho, ta alma, ana, veut impossible. T'as pas le mental, mais ta FIFA, je te mets ta tôle à domicile. C'est à moi quelques verres, que je devienne rouge de rage, noyé par les conflits judiciaires, je consomme du 12 ans d'âge. Pareil qu'alcool noie les soucis, mais les miens savent nager. Hyperactif, je te couche comme au joute, pas besoin de me justifier. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? À la prod, c'est les frelots. NOSS à sauce de dingue, ça transpire le caniveau. Dis-toi que je rentre en conflit qu'avec moi-même. Je certifie de nos jours le mot rage, ça rime avec elle. En quelques verres de rage, ma voix se dévoile, mes rimes s'avèrent du rare. Je ramène le rap de la mort qui brûlait dans les flammes de la mode, de l'envers du rap et sans faire du rap. Dans vos oreilles, ça cogne. Le but, c'est que ça fasse mal. Encore un son qui dans mes plans la vue comme une éjac faciale. Tous les massacres ont fait le bonheur des caméras de France 3. La rage de tout un peuple se mobilise pour sa fille, on François. Me demande pas, t'en penses quoi? J'attends que se calme la tempête. On fume tellement de cartouches, nos bouches transforment en AK. 47. Si moi j'ai quelques bières dans la je suis bien. Ah ouais, j'mon minéro. C'est ce qu'il faut minimum. Moi j'trouve pas l'inspi dans le dominéra. Je vois que ça bite à sec. Ouais, dans ma if, c'est le cafarnao. Balance sa bite, une mélodie. Et là, je sais quoi faire de ma rage. Quelques verres de rage, j'tape des délires avant que j'pars. Faut faire du bon, pas être mal vu. Comme un dealer, carroche pas. MC plus dans la meute, tu peux me compter parmi les loups. J'ai trop la dalle, j'veux pas de vos miettes. Déjà comme moi, la liste est longue. Encore un jour qui se lève sur un homme qui se méfie. Là où je l'aime, elle m'élève, mais elle me crève à petit feu. On redoute le sourire, celui de l'ange que l'on peut croiser, qui nous brûlera les comme une petite vierge que l'on peut froisser. J'essaye de me ralentir car je me défonce, mon cerveau fiche. Je vais vivre loin de la France, des beaux discours du sarcophage. Vert de rage, je suis, je te jure, j'ai peur que l'espoir fasse vivre. Un grand départ, ton bar ne pleure pas si tu restes veuve.